c'est Jean-Éric Jung qui va lui succéder. Donc là, on va faire un bond dans le temps. Jean-Éric Jung est directeur des archives départementales de la Moselle et va évoquer un sujet d'histoire moderne à partir de sources intéressantes, qui sont des sources comptables. Et c'est d'autant plus méritoire d'avoir ces sources-là, parce que moi qui suis spécialiste d'histoire contemporaine, j'ai parfois du mal à trouver des sources de ce type-là. Donc ça sera intéressant de voir comment elles peuvent être exploitées aujourd'hui. Merci. Merci. Merci. Alors, la communication qui vient d'être prononcée, finalement, ressemble beaucoup à celle que je vais faire, mais 1700 ans après, puisque nous allons parler, enfin, je vais vous parler de logistique, mais de logistique des armées du Grand Roi, et non pas de logistique des armées du Proconsul. Mais en revanche, dans un espace géographique tout à fait comparable, puisque je vous parlerai de la logistique de troupes qui vont de Reims à Huningue, ou de Troyes à Sedan, et de Sedan à Metz, et pour finir à Sarre-Louis éventuellement, lorsque le Grand Est était encore plus grand que l'actuel Grand Est. Il s'agit d'une troisième expérience pour moi. J'ai exploité les archives du Bureau des Finances de Metz, qui était une espèce d'administration juridiction, comme la plupart des institutions d'Ancien Régime, mixte, qui, pendant au moins un quart de siècle, a eu la responsabilité de juger les comptes des États. Alors, j'ai étudié trois années précédemment, 1709, l'année terrible, 1701, l'année qui précède le début de la guerre, l'année de la paix armée, lorsqu'il n'y a encore qu'un adversaire déclaré à Louis XIV dans la guerre de succession d'Espagne, puisque c'est la guerre que j'ai choisi d'étudier dans le fil de certaines autres études. 1704, la guerre portée à l'extérieur qui se termine très mal. Et 1705, cette fois-ci, lorsque la guerre est sur la Moselle, il y a une armée de la Moselle, une armée du Rhin qui ensuite absorbe l'armée de la Moselle, mais je ne m'intéresserai qu'au premier semestre 1705, à l'époque où Villars, rappelé de sa punition, Louis XIV avait envoyé en punition Mathé les Camisards, parce qu'il ne s'était pas bien entendu avec le seul allié que la France avait encore en Allemagne, l'électeur de Bavière, et on le rappelle parce que la situation est catastrophique, et on lui donne l'armée qui doit bloquer l'avance de ceux qui sont nos ennemis, qu'on appelle par antiphrase les alliés, dont le projet est de pénétrer en France par la vallée de la Moselle. Alors, c'est une campagne tout à fait atypique, puisque c'est une campagne durant laquelle il n'y a pas, entre décembre 1704 et juin 1705, de bataille rangée pour la zone qui m'intéresse. Hein. Je m'occupe du front qui part de la mer du Nord et qui va jusqu'à Bâle, le front principal étant fixé sur la Moselle. Donc, pas de bataille rangée. Les protagonistes ont tout fait pour l'éviter. Villars aurait bien voulu y aller, mais il n'avait pas les moyens, finalement, et on ne sait pas vraiment pourquoi Marlborough n'a pas lancé l'offensive, probablement parce qu'il ne s'entendait pas, lui non plus, avec son allié, qui était l'autre commandant, le margrave de Bade. Et c'est pour nous, en Mosellan, très important que cette campagne, puisque c'est la campagne qui a permis, du fait du séjour de quelques jours de Marlborough au château de Mandrun, d'avoir ce magnifique château de Malbrook, que le département, du temps de sa splendeur, il y a une vingtaine d'années, a fait reconstruire à partir de rien du tout. Mais il reste le nom. Alors, c'était là que Marlborough avait établi, sinon son quartier général, au moins un moment de son séjour. Alors, que sont les étapes? Alors, les étapes, c'est un des services que le roi met en œuvre pour assurer la nourriture de ses troupes. Il y a trois services. Il y a le service qui doit rouler tout seul, qui est le service des troupes en garnison, puisque les troupes de garnison, normalement, on ne s'en occupe pas, elles ont leur solde et elles s'occupent toutes seules de se nourrir. Il y a le service des vivres, qui est celui des armées en campagne, lorsque l'armée est formée, lorsqu'il y a une zone désarmée, pour employer un terme complètement de notre siècle et pas du tout celui de Louis XIV, lorsque l'armée est sous le commandement de son chef et qu'elle est en opération. Et entre les deux, il y a le service des étapes qui prend en charge les déplacements des troupes qui sortent de garnison, qui vont en garnison, qui vont à l'armée, qui sortent de l'armée, qui vont à l'hôpital, qui sortent de l'hôpital, qui sortent de la captivité, qui, etc. Et c'est ce service qui a été mis en place à partir de la fin du XVIe siècle, à peu près codifié à partir de 1623, et pour l'époque de Louis XIV, deux ordonnances majeures, celle de 1686, révisée opportunément en 1702, opportunément pour mon sujet en l'occurrence. Alors, c'est un service qui prévoit que l'on fournit à tout fantassin, à tout cavalier, à tout dragon, et à tout l'encadrement qui va avec, de quoi se nourrir entre un point A et un point B. À l'exclusion du point A et du point B, puisque le point A et le point B, c'est très important, sont la garnison A et la garnison B, où le soldat doit se nourrir tout seul. Mais il y a des arrangements avec le ciel. Alors, les étapes, donc, ce sont des lieux d'étapes qui sont fixés sur une cartographie qui, évidemment, n'est pas reportée sur nos cartes, sur des cartes comparables aux nôtres, mais qui est parfaitement connue des bureaux de la guerre, puisque le bureau chargé des étapes au secrétariat d'État de la guerre bien dispose de toutes les localisations possibles pour ces étapes. Ce bureau, donc, coordonne une énorme machine de distribution de nourriture sur la base de marchés. À l'époque qui nous intéresse, guerre de succession d'Espagne, les étapes sont confiées à l'entreprise, ça c'est pas nouveau, mais à une entreprise générale par zone géographique. Entreprise générale dont le marché est signé à Paris à l'issue d'un arrêt du Conseil, ce qu'on appelle un résultat du Conseil, qui attribue à tel munitionnaire tel secteur en responsabilité. Éventuellement, ce peut être le même munitionnaire qui a en charge l'armée qui est en campagne dans la même zone. Éventuellement, mais ce n'est pas une obligation. Ce sont donc des gens qui doivent avoir les reins très solides. Parce que, pour ne donner que l'exemple de ce premier semestre 1705, c'est une opération qui a coûté 572 000 livres. L'année d'avant, l'année 1704, avait coûté, mais toute l'année, pour mon secteur, le département de l'intendant de Metz-Évêché, qui a la Lorraine et ses confins dans son département, l'année précédente, toute entière, 12 mois, avait coûté un peu plus de, enfin presque 900 000. Ce sont des sommes colossales. Un marché de vivres pour une armée, comme l'armée de Flandre ou l'armée du Rhin, c'est... Ça se compte en millions, c'est entendu. Mais les étapes, c'est un petit marché parmi tant d'autres. Il y a des étapes partout en France. Donc, le roi dépense des sommes considérables pour nourrir ses troupes en marche et il n'a pas vraiment le choix, s'il veut, que les troupes ne se démandent pas. Alors, ces itinéraires cartographiés, je vous montrerai la carte le moment venu, séparent des points de 25 à 30 kilomètres, parfois plus. Parfois beaucoup plus. Et ce qui me fait dire que je ne vais pas tellement vous parler des relations entre civils et combattants, mais je vais vous parler des relations entre civils et marcheurs. Parce que les soldats de Louis XIV, l'essentiel de leur temps, ils le passent à marcher. Bon, ceux des autres époques aussi. Mais pour la campagne en question et pour la guerre de succession d'Espagne, le temps que l'on passe en marche pour un soldat, c'est quasiment les 9 dixièmes de l'année. Hiver, été, printemps, automne. La règle est que l'on ne se bat que l'été, certes, mais on marche toute l'année, par tous les temps. Il ne fait pas toujours beau. Mais on est bien obligé de marcher, puisque pendant l'hiver, les régiments plus ou moins abîmés par le combat ou la désertion ou la maladie se refont. Donc il faut au moins que les recrues marchent pendant l'hiver. L'hiver qui va très tard, on le verra jusque dans le printemps. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire en gros comment cela fonctionne. Dans un deuxième, je vous montrerai une carte avec les routes. Et dans un troisième, bien le poids de cette affaire sur une région donnée, en prenant autant que possible dans chacune des parties des exemples. Alors, pour que le service fonctionne régulièrement, premier point, il faut des routes. La route, c'est un itinéraire, c'est le terme que nous employons aujourd'hui, mais c'est également un document. Chaque unité, quelle qu'elle soit, ça peut être un bataillon, ça peut être un régiment, ça peut être un lieutenant avec ses 15 recrues, ou ses 12 recrues, généralement c'est 15, parfois c'est 12, quand ce sont les troupes étrangères au service de France, c'est un peu plus. Eh bien, il a une route qui a été délivrée par le bureau compétent du secrétariat d'État de la guerre. Ces routes sont numérotées. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore trouvé le système de numérotation, mais il y en a des milliers tous les ans. Alors, je veux dire par là que je n'ai pas trouvé quel était le point de départ, si recommencer au premier de l'an ou si recommencer à la fin de la campagne précédente, parce que les numéros sont parfois étranges. Mais il s'agit d'une source comptable. Comme les routes elles-mêmes ont été perdues, puisque toutes les pièces comptables sont détruites après l'arrêté des comptes, il ne reste plus que le registre qui dit que c'est la route 714 ou la route 7832. Bon, donc on se contente de ces informations. Elles ont une route où, éventuellement, lorsque c'est nécessaire, le chef militaire local, pas le chef d'armée, le gouverneur, il n'y a pas de gouverneur, son lieutenant général ou le lieutenant de roi ou le commandant de la place, enfin celui qui a le pouvoir dans la place, à Marsal décide, eh bien, votre route qui vous conduit à Huningue, eh bien, vous ne la poursuivrez pas. Et de Marsal, eh bien, vous retournerez à Maxéville. Point final. Et la route, eh bien, elle est annulée par l'ordre du commandant local, qui sait que l'unité ou les recrues doivent non pas aller à Huningue, mais retourner en arrière, on dit rétrograder, et en l'occurrence aller à Maxéville, prendre de nouveaux. Maxéville, c'est dans la banlieue de Nancy. Alors, vous m'entendrez jamais dire Nancy, parce que Nancy, c'est bien connu, n'est pas occupée par les Français. Parce que le roi fait semblant de ne pas occuper la Lorraine. Donc, les troupes ne passent pas par Nancy, elles passent par Maxéville. Mais je reviendrai sur cette affaire de la neutralité lorraine. Alors, les troupes retournent à Maxéville pour prendre nouveaux ordres. Et là, il y a un nouveau commandant. Alors, cette fois-ci, c'est le commandant à Nancy, qui dit, vous allez à Toul ou vous allez à Metz. Et par tel chemin, et pas par tel autre. Bon, de Maxéville, on va directement à Toul, donc il n'y a pas le choix. En revanche, pour aller à Metz, il y a plusieurs routes possibles, c'est-à-dire qu'on peut faire une ou deux étapes. Si on est très pressé, ce qu'on fait, on brûle l'étape. C'est le terme employé par l'administration, c'est le terme que nous employons encore aujourd'hui. Alors, ils ont une route. On prévient les étapiers que telle unité arrive, mais seulement quand il s'agit d'un régiment ou d'un bataillon. Lorsqu'il s'agit d'hommes peu nombreux, on ne prévient pas. Il faut que l'étapier ait toute sa marchandise prête à tout moment. En revanche, lorsqu'un bataillon complet, c'est 559 hommes plus 66 cadres. Je compte les sergents parmi les cadres, c'est plus commode pour moi. Et c'est une raison bien simple, c'est que les 559 hommes ont une ration, tous les autres ont 2, 3, 20. Plus de rations que le soldat de base. Je parle des fantassins. Donc, tel bataillon va arriver. Il faut que l'étapier ait de quoi nourrir le régiment. Si le régiment n'a qu'un bataillon, c'est 559 hommes. S'il en a deux, multiplié par deux. S'il en a trois, ça fait beaucoup de monde. 1500 bons hommes, plus environ 220 officiers. Sachant qu'un capitaine prend 6 fois ce que prend un soldat et qu'un colonel prend 12 fois ce que prend un soldat. Donc, il faut quand même beaucoup de rations. Lorsqu'un lieutenant se promène avec ses recrues, eh bien, chacune de ses recrues, elles peuvent être que 4 ou 5, prend une ration. Le lieutenant, lui, a ses 4 rations. Et chaque officier d'infanterie a ses chevaux. Donc, il faut prévoir des denrées en quantité. L'étapier est un sous-traitant de l'étapier général, soit un commis, quelqu'un qui le paye pour faire le travail, donc qui a acheté les denrées et qui les met à disposition, soit un sous-traitant, c'est-à-dire quelqu'un qui a un contrat, un sous-contrat du contractant général. Il n'y a pas de règle, mais comme notre sujet est sur plutôt le déplacement des troupes que sur les affaires d'argent, je laisse de côté ces relations entre financiers. Arrivée à l'endroit donné, l'unité, quelle que soit sa taille, ou le groupe de soldats, quel que soit leur nombre, eh bien, se voit affecter un logement. Il a été prendre son étape chez l'étapier, là où l'étapier a loué le magasin qu'il fallait, et lorsque l'unité arrive, si c'est un bataillon complet, ou un escadron complet, il y a un de ces sous-officiers, qui est le maréchal des logis dans les unités d'infanterie, qui est allé trouver le maire ou le chef de la communauté d'habitants pour qu'on lui affecte des logements. Ça, c'est la partie logement dont je ne m'occupe plus, puisqu'elle n'est pas dans le service des étapes. Elle est liée au service des étapes, mais elle n'est pas dans le service des étapes. C'était au peuple, au pluriel, de s'arranger pour loger les troupes. On distribue les troupes dans les villages une fois qu'elles ont pris leur nourriture, et le lendemain, elles repartent. Ou elles ne repartent pas, puisque dans certains cas, la route prévoyait que pour se remettre, les troupes avaient droit à 2 jours d'étape. Régulièrement, lorsque les troupes prennent la route du sud, la route de Toul, Vézelis, Charmes, Rambervillers, on fait 2 jours à Rambervillers, le plus souvent, hein, avant d'arriver à Saint-Dié. Mais ce n'est pas une règle absolue. C'est le bureau qui a décidé ceci, ou le commandant du lieu qui a décidé cela. On s'arrête 2 jours, on ne s'arrête pas 2 jours. Lorsqu'on s'arrête plus longtemps, c'est qu'il y a un problème. Et il faut le mentionner. Il faudra que la troupe reçoive 3 étapes ou 4 étapes. C'est rarissime, parce que c'est presque toujours rejeté par les juges. Et si l'étapier fournit quand même, c'est de sa poche. Bon, il y a beaucoup de malhonnêteté dans ce système, hein. Mais on ne les détecte pas toujours. Mais il y a quand même beaucoup de malhonnêteté. Certaines routes sont franchement falsifiées. Les juges les rejettent. Elles disent, vous ne pouvez pas être à Stenay le 31 mars si vous étiez à Metz le 28 février et que vous avez fait le voyage en un jour. C'est tout bête. Mais parfois, les pièces étaient tellement mal falsifiées que les juges ne pouvaient que constater l'évidence. Il y a parfois des routes qui sont très longues. Ces marcheurs, en 1704, feront régulièrement, très régulièrement, 25-30 km, pas plus. En 1705, Villars a besoin de troupes extrêmement mobiles, et même les fantassins arrivent à faire presque 50 km par jour. Ce qui explique la nécessité prévue par les ordonnances d'étapes de repos, c'est-à-dire les 2 jours dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'au bout de 50 km, on fatigue, même si c'est son métier d'être un marcheur. Il faut repartir le lendemain. Le chargement, je n'en parle pas, parce que ces troupes n'étaient pas forcément très chargées. Lorsque les unités se déplaçaient en masse, il y avait des bagages qui suivaient derrière. Voilà. Alors voilà pour le fonctionnement général du service des étapes. J'ai mentionné, oui, qu'il y avait des soldats, j'ai mentionné qu'il y avait des recrues. Je n'ai pas mentionné qu'il y avait également, mais je vous l'avais compris parce que je l'ai fait à l'allusion, tous les hommes qui sortaient de l'hôpital, qui avaient droit à l'étape, sortent de l'étape de l'hôpital à Marsal, ils doivent rejoindre leur unité à Thionville. Le commandant de Marsal leur dit, ben voilà, vous irez tel jour. Et par exception, ces hommes qui sortent des hôpitaux sont généralement sans encadrement. Les recrues sont toujours encadrées, parce que la crainte du recruteur, c'est que la recrue s'envole, s'évapore. L'homme qui sort de l'hôpital a plutôt intérêt, semble-t-il, en tout cas on ne s'en méfie pas, à rejoindre son unité. Et donc, il peut arriver que des hommes se promènent, entre guillemets, à 2 ou 3, parfois à 1. Entre leur hôpital et puis le régiment qui les attend quelque part. Il y a également les prisonniers de guerre qui sortent des prisons de l'ennemi, disent les textes. C'est-à-dire qu'après, on est en 1705, en 1704, le prince Eugène et Marlborough ont fait énormément de prisonniers à la bataille d'Höxstädt, et certains de ces hommes ont réussi à s'échapper ou ont été libérés. Et ils reviennent par paquets, en ayant fait énormément de kilomètres, hein, parce qu'ils ont fait le cœur de la Bavière jusqu'à Thionville, parfois en passant le Rhin beaucoup plus haut que là où on l'aurait attendu, parce qu'ils ne passent pas par l'Alsace en général. Et bien, ils arrivent, bien, on les accueille bien volontiers, on leur donne l'étape avant de les réintégrer dans leur unité. On prend dans la même foulée les déserteurs ennemis, avant de les incorporer dans une unité loin de la région, de toute manière. J'ai noté que la Lorraine et les évêchés avaient été traversés par des recrues appartenant à 146 régiments différents. C'est colossal. Par comparaison, je peux vous dire que les bataillons complets qui se sont déplacés bataillons complets dans la même région ne sont, d'après le décompte, que 72. Donc, il y a 146 unités qui étaient parfois basées très loin. On a des recrues qui font le déplacement de Thionville à Toul, et à Toul, on leur dit, bah, c'est bien, continuez la route jusqu'à Fenestrel, jusqu'à Ivrée. Ils sont bons pour l'armée d'Italie. Ils ne sont pas arrivés le lendemain, ceux-là, par définition. Deuxième point, alors la carte. J'appuie là. Si ça marche. Ça devrait marcher. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de carte dans les bureaux de la guerre, mais on peut en reconstituer à partir justement de ces données financières qui sont tout à fait précises. Alors, les routes ne sont pas à la discrétion des officiers, ni des soldats, ni même des commis du bureau de la guerre. Elles sont fixées d'avance. Alors, pour traverser notre espace pour aller de Sedan à Saint-Dié, eh bien, il y a d'immenses zones que le roi, dont le roi n'est pas le souverain. Ce sont les duchés de Lorraine et de Bar. Léopold, duc de Lorraine, boude à Lunéville parce qu'il ne veut pas voir la présence des soldats français à Nancy, mais les Français n'occupent pas, malgré les objurgations de Villars, n'occupent pas complètement la Lorraine. Ce que vous avez devant vous, ce sont les routes telles que je les ai reconstituées d'après le décompte de la fin de 1704. Donc, ce sont les routes opérationnelles en 1705. Alors, tout en haut à gauche, c'est-à-dire au nord-nord-est, c'est Sedan. Tout en bas, en rouge, le plus bas, le point le plus au sud-ouest, violet, c'est Saint-Dié. Oui. Et ce que vous allez voir en route verte, c'est ce qu'on appelle la route de France. C'est la route qui est uniquement en territoire français. Les autres routes passent d'une manière ou d'une autre par un territoire lorrain. Et tous les points qui sont violets sont des points qui se trouvent en territoire lorrain. Autrement dit, la magnifique route de France qui mène de Metz à Phalsbourg, qui a été constituée aux alentours de 1661-62, eh bien, elle ne suffit pas à transférer les troupes d'est en ouest ou d'ouest en est, a fortiori de nord au sud et de sud au nord. Il faut passer par la Lorraine d'une manière ou d'une autre. Certes, les principaux points de passage sont Metz, Toul et Verdun. Le top 3 des étapes, c'est Metz, Toul et Verdun. En 1705, en 1704, c'est un peu différent, mais c'est toujours la première. Forcément, c'est le nœud de la circonscription. Si il y a une flèche, ouais. Ouais, Metz. Donc Metz est là, Saint-Dié et tout en haut, voilà, Sedan. Et par là, on est Sarre-Louis, Sarreguemines, Trèves, Luxembourg, Toul. Et puis alors là, Beauzée, pour ne pas dire Bar-le-Duc, et ensuite on descend vers le sud. Alors ces routes donc sont nombreuses. Vous avez vu la concentration de points rouges parce que les troupes sont disséminées. Les hommes ne prennent l'étape à tel endroit, mais ils sont disséminés dans tous les villages environnants. Lorsque les recrues du régiment de la Reine, qui est un régiment qui traverse la province de Phalsbourg jusqu'à théoriquement Metz, mais en réalité on les fait rétrograder jusqu'à la région de Vic quand elles sont arrivées presque à Metz, eh bien ça se passe du 3 au 7 avril pour le départ, les trois bataillons partent en échelonné. Lorsque les troupes sont dispersées autour de Vic, c'est vraiment autour de Vic, c'est-à-dire que les plus proches de Vic sont à 5 km de Vic, les plus éloignés sont à 9, donc il faut ajouter ces kilomètres aux autres lorsqu'on parle d'étapes. Lorsqu'ils font 20 km, il faut d'abord qu'ils retrouvent leur unité à Vic. S'ils sont à Mulsey, il a fallu qu'ils fassent 9 km de plus. Ce sont vraiment des champions de la marche. Le poids sur les peuples, eh bien, il est proportionnel au recrutement. La période d'hiver est celle du recrutement. Le régiment de la Reine, c'est 3 bataillons, donc environ 1500 hommes. Ils sont théoriquement, on leur donne l'effectif, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous là, mais on leur donne l'effectif pour que les officiers puissent faire de l'argent avec les États, pour en parler simplement. Mais c'est normal, il faut quand même que ces gens vivent, sinon l'armée se débande. Donc, on leur donne l'effectif, mais on est en avril. Auparavant, le régiment, quand il est sorti de la province, il lui manquait beaucoup de monde. Et j'ai décompté un minimum, sur les 1500 hommes, de 365 recrues. Et à mon avis, il y en a beaucoup plus. Parce que certains sont passés par d'autres mailles du filet. Alors, ce poids sur la région, comment peut-on le calculer également? Eh bien, par ses allers-retours. Un régiment est très incomplet lorsqu'il quitte, par exemple, le bataillon du régiment d'Agenais, qui quitte la province pour se refaire en Champagne en janvier 1705. Il est au maximum à 350 hommes, au lieu de 559. Mais il y a des débris de régiments qui sont bien moindres. Des régiments qui ont été anéantis à Höxstädt, qui reviennent en miettes. Donc 350, 400. Et le mois suivant, on les compte à 450, 500. Donc les lieutenants ont bien fait leur travail. Ils ont ramené du monde. Il a fallu nourrir ce monde lorsque ce monde est revenu. Et autre exemple, le régiment de Cambrésis, lui, il se promène. Il devait faire Mars-la-Tour à l'ouest de Metz, se tenait pour aller à Mouzon. Et finalement, on décide de l'arrêter à Marville. Et pendant un mois, il reste en garnison à Marville. Donc, il disparaît du radar des étapes. Et puis, il repart ensuite pour faire Marville-Colmar. Ce sont des bons hommes qui ont bien marché. Est, ouest, ouest, est, etc. Et tout à l'avenant. Ce sont des déplacements incessants. Alors maintenant, pour les peuples, tous les moines ne sont pas égaux. Le mois d'avril est le mois le plus terrible. Exemple, mais ça vaut pour les dragons et la cavalerie comme pour l'infanterie. Pour l'infanterie, j'ai décompté 392 étapes honnêtes, on va dire, celles qui n'ont pas été biffées, radiées, mises en blanc, pour des unités constituées, hein, pas pour les recrues. 60%, 233 de ces déplacements ont lieu en avril. Autrement dit, les Lorrains et les Évêchois ont bien vu passer les troupes pendant le mois d'avril. Beaucoup moins en février et en janvier, quasiment pas en mars, à mon avis là c'est bizarre, et quasiment pas en mai et en juin, ce qui est tout à fait normal, mais on recrute parfois encore jusqu'en juin. Voilà, alors j'aurais eu plein d'exemples à donner, mais je ne les ai pas notés dans mon calepin. Pour conclure, vous avez vu, cette carte est très complète, très complexe. Les ronds bleus, je vous le dis, ce sont les places d'Alsace qui sont les destinations des troupes, les destinations possibles. À l'ouest, ce seraient des places champenoises ou des places ardennaises. Mais c'est un système extrêmement complexe qui fonctionnait sur la base d'une administration très bureaucratique, mais finalement très efficace, parce que c'est la base du fonctionnement du secrétariat d'aide à la guerre. Pour que les troupes marchent, éventuellement combattent, éventuellement, il faut qu'elles mangent. Pour qu'elles mangent, il faut que le peuple ne soit pas mangé, il faut donc s'arranger pour les nourrir. Il y a toujours eu des bavures, mais le système de la guerre de succession d'Espagne limitait ces bavures au strict minimum. Sinon, la France n'aurait pas pu faire la guerre. Et le système des étapes fonctionne d'année en année de manière très différente en fonction des campagnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il fonctionne parfaitement, avec beaucoup de malhonnêteté, mais parce que c'est inhérent au système. Mais il fonctionne parfaitement. Et lorsque l'on va jusqu'au détail du détail, on s'aperçoit de l'extrême soin que le roi, c'était tout son intérêt, avait pour ses soldats, c'est-à-dire qu'on soigne les prisonniers, on soigne les malades, on soigne au sens propre, on les renourrit après, et on s'arrange pour que les hommes ne marchent pas trop pour pouvoir être opérationnels. Même si Villard, qui était un homme extrêmement dynamique, extrêmement audacieux parfois, regrettait que ses troupes ne soient pas sous ses ordres. Ceci étant, Villars n'a pas engagé le combat. Or, à certains moments, 50 000 ont fait face à 80 000 hommes dans un mouchoir de poche. Autrement dit, la population n'aurait pas pu les nourrir. Les étapes avaient bien fait leur métier. Je vous remercie.